Sur la Radio Parfaite, dans l'émission Les Experts, David Christoffel reçoit aujourd'hui Catherine Deutsch autour de l'ouvrage collectif Pratique musicale féminine, paru aux éditions Symétrie. Quand on a commencé dans les années 70 à pointer les inégalités hommes-femmes dans l'histoire de la musique, on a montré que la plupart des compositeurs reconnus sont des hommes. À force de se rendre compte que ce sont les processus de consécration qui produisent de l'inégalité, l'histoire des femmes musiciennes s'intéresse de plus en plus aux inégalités hommes-femmes de haut en bas de l'échelle. Pour documenter ces phénomènes par le menu, nous parcourons aujourd'hui le volume Pratique musicale féminine paru aux éditions Symétrie avec l'une de ses directrices scientifiques, Catherine Deutsch. Thank you. Elisabeth Farr, dans quelques mouvements de la troisième suite en la mineure de Elisabeth Jacquet de la Guerre. Bonjour Catherine Deutsch. Bonjour. Vous avez dirigé avec Caroline Giron Panel Pratique musicale féminine aux éditions Symétrie. C'est un ouvrage collectif où Elisabeth Jacquet de la Guerre est peut-être le nom le plus célèbre des musiciennes étudiées. Notamment, oui. Oui, je pense que c'est même le seul nom véritablement un petit peu connu. Du petit public, je dirais, parce que je suis même pas sûre qu'elle soit absolument connue du grand public. Déjà, quand on parle de compositrice, très peu de gens peuvent citer plus de deux ou trois personnes. Et je sais pas si Elisabeth Jacquet de la Guerre en fait partie. Fait partie du top 5. Mais, du top 5, non, et là, normalement c'est Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Alma Mahler qui arrivent en premier. C'est-à-dire les femmes d'eux. Les femmes d'eux, tout à fait. Les femmes d'eux, sur lesquelles il y a eu des travaux le plus tôt, justement, parce qu'elles étaient... femme et sœur d'eux. Mais Elisabeth Jacquet de la Guerre, c'est une de ces compositrices un peu montantes, effectivement, qui tranche avec... On dit que c'est carrément la première musicienne du monde. À son époque, on l'a dit, oui. Première musicienne du monde, parce que, comme l'explique Catherine Cessac dans sa contribution, elle a réussi à avoir un statut exceptionnel, à la fois malgré son sexe et peut-être aussi à cause de son sexe. Alors voilà, c'est là qu'il y a une ambivalence. Par exemple, Catherine Cessac cite Sébastien Brossard qui parle de ses compositions en disant qu'elles sont délicieuses. Et Catherine Cessac soupçonne que c'est un mot que Sébastien Brossard ne prononcerait pas s'il s'agissait de partitions d'un compositeur homme. C'est possible qu'il y ait eu un biais effectivement lié au sexe de la compositrice. Même si on a un petit peu tendance, nous, en tant qu'historienne des femmes, à chercher le biais tout le temps. Toujours est-il que, dans la mesure où elle était effectivement la seule compositrice à avoir un tel statut, elle était merveilleuse pour cela. Elle relevait du miracle. enfin, ce qu'explique très bien Catherine Cessac, en fait, qu'un miracle qui ne pouvait advenir que sous le siècle d'un grand roi comme Louis XIV, en fait. Donc c'est aussi un discours un petit peu ambigu sur le statut de ce miracle, de cette exception. L'exception fait ambiguïté, puisque précisément on a tendance à dire que la magnificence de sa musique dépasse le fait de son sexe, mais ce disant, le dépassement est relatif puisqu'il est justement souligné. Tout à fait. Je pense que c'est très difficile pour les compositrices, en fait, de sortir de ce paradoxe. Même aujourd'hui, elles ont envie, à juste titre, d'être considérées en tant que créatrices en dehors de toute question liée à leur genre, mais c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, en tout cas, de sortir de cette ambivalence. On s'inscrit dans un contexte social, politique, et malheureusement, on doit faire avec. Alors, l'originalité du livre que vous dirigez avec Caroline Giron-Panel, Pratique musicale féminine, est de repérer ces enjeux à l'intérieur des discours, des représentations même iconographiques, on va y venir tout à l'heure, et puis de certains écrits pédagogiques. Alors, par exemple, Catherine Cessac également cite L'art de toucher le clavecin de François Couperin, où on peut lire « Les hommes qui veulent arriver à un certain degré de perfection ne devraient jamais faire aucun exercice pénible de leurs mains. Celles des femmes, par la raison contraire, sont généralement meilleures. » Oui, on peut discuter de cette phrase, déjà de sa pertinence. Est-ce qu'une main plus musclée, en fait, va avoir moins de capacité à toucher le clavecin? On est ici dans un discours assez essentialiste, finalement, qui lie des capacités artistiques et d'interprète à des caractéristiques physiques qui relèvent du biologique. Mais en l'occurrence, le différentialisme, parce que là on est dans une approche de différentialisme, peut parfois jouer en faveur des femmes, en fait. Hein, et c'est le cas dans cet extrait chez Couperin. Effectivement, le discours sur la différence des sexes, il est généralement en défaveur des femmes, mais il y a quelques auteurs pro-féminins qui renversent la situation, et qui au contraire se font les avocats d'une supériorité féminine. Aujourd'hui, on aurait tendance à penser... Ce qui reste une différenciation. Ce qui reste une différenciation, on aurait tendance à penser que l'issue se trouverait plutôt dans une égalité, mais ce n'est pas un discours qui est très fréquent, en fait, dans les périodes anciennes auxquelles on s'est intéressé, même si on peut le trouver quand même. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous différenciez les différentes époques. Là, ce qu'on vient de lire, c'est au tout début du XVIIIe siècle. Votre propre contribution, dont on parlera tout à l'heure, remonte au XVIe siècle. On a des contributions qui portent sur le XIXe siècle. Et cependant, à l'intérieur de chaque période, on va pouvoir aussi avoir des approches potentiellement contrastées. Alors, avant de rentrer dans le détail, voici une partition de François Couperin qui s'intitule « Les sentiments » et qui est interprétée par Violaine Cochard. Autour de l'ouvrage « Pratique musicale féminine » édité par Symétrie, Catherine Deutsch est l'invitée de David Christoffel pour l'émission « Les experts » sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Violaine Cochard, extrait du premier ordre pour clavecin de François Couperin, la partition Les Sentiments. Catherine Deutsch, cette sentimentalité, elle est toujours mise du côté du féminin dans la pensée classique ? Non, pas nécessairement. Surtout au XVIIIe siècle, c'est vu comme une vertu morale, en fait. Donc elle est plutôt du côté des hommes parce qu'elle est une vertu morale. Voilà, ça passe des deux côtés. Alors, il y a Massimo Privitera qui, dans ce volume, propose une contribution qui s'appuie plutôt sur les images. D'ailleurs, ça s'appelle « Images de musique, images de femmes ». Qu'est-ce que ça permet d'apprendre que les textes ne disent pas ? Bah, en fait, ce qui est très intéressant dans le corpus qui est étudié par Massimo Privitera, c'est qu'on est non seulement dans la représentation de musicienne, mais on est dans l'auto-représentation, puisque c'est des autoportraits, en fait, beaucoup d'autoportraits de femmes, essentiellement à l'épinette, au clavecin. C'est une autre source d'information. Ça fait partie de... On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question, en fait, l'élargissement des sources quand on fait l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Donc ça, c'est un premier point. Et moi, ce qui me fascine, en fait, dans ce corpus, c'est qu'on voit des femmes se représenter elles-mêmes au clavecin et dans l'optique qu'elles vont pouvoir être regardées dans cet acte, en fait, d'intimité, de vie typiquement domestique, par des regards extérieurs, éventuellement. Elles se représentent telles qu'elles se voient, finalement, et telles qu'elles envisagent cette pratique, ce type de pratique musicale, dans leur constitution sociale, psychologique, enfin, tout ce qu'on veut. Après, on peut utiliser des termes un peu anachroniques, mais en tout cas, peut-être on pourrait même utiliser le terme d'identité, en fait. Elles se forgent une identité dans le sens psychologique du terme. Et là, toujours avec un différentialisme, c'est-à-dire qu'elles se voient comme d'abord regardées par un homme. Ben ça, c'est un peu l'hypothèse que fait Massimo Primitella, peut-être parce que c'est... Pour les besoins de l'ouvrage. Je pense que ça peut être vrai dans la représentation de soi-même sur le marché, on va dire, de matrimonial. Hein, ça, c'est une possibilité. Qu'elles aient envisagé le potentiel... observateur de ses œuvres comme fondamentalement masculin, ça je pourrais pas l'avancer avec autant de certitude. En tout cas, vous dites dans l'introduction à propos de cet article qu'il y a une espèce d'ambivalence indémêlable où la femme est représentée soit comme bienséante, soit comme inconvenante. Oui, bah c'est... Elle n'a pas le droit à la neutralité, en quelque sorte. C'est tout le comment dire, le paradoxe, en fait, de cette double figure de la femme, avec un grand F, entre Vénus et Marie, en fait, entre Ève et Marie, qui ne marchent pas l'une sans l'autre, en fait, hein, ces deux représentations. La maman ou la putain, pour reprendre les mots de stage. La maman ou la putain, ouais. Voilà, pour avoir des images un peu plus contemporaines. Tant qu'on idéalise la femme... il y aura toujours la mauvaise femme de l'autre côté. C'est vraiment le revers de la médaille. Je pense que c'est absolument impossible de les démêler. Et ça traverse les époques. Si on reprend le texte de Fabien Guilloux sur les communautés franciscaines, il montre que, effectivement, si les femmes sont tenues un peu loin du chant, c'est par peur que le chant par elles devienne charnel ou trop charnel. Alors la question du chant monastique, et je pense que Fabien Guilloux a fait une contribution assez originale, en fait, par rapport à... Et en tout cas, je sais que c'est... Il tenait aussi à cette ligne. C'est que, bon, lui, il a une très bonne connaissance déjà des enjeux, disons, identitaires derrière les différents courants ecclésiastiques et liés au chant notamment et au chant féminin en particulier. Ce qui fait qu'il arrive à croiser, en fait, plusieurs strates de lecture. Évidemment, les crispations qui sont liées à toute la période post-tridentine, hein, autour de la clôture, autour de la régulation du chant féminin, puisqu'en fait, on a une situation un petit peu paradoxale au XVIIe, à la fois, et même au début du XVIIIe, puisque sa période va jusqu'à là, à la fois d'une période finalement qui a été extrêmement propice à la musique des femmes à l'intérieur du couvent, puisque une manière aussi, sans doute, de contrebalancer le fait que la clôture est devenue beaucoup plus stricte, en fait, après le Concile de Trente, et aussi de permettre un espace de liberté pour ces femmes. Et un des avantages de la clôture, c'est que c'est difficile de rentrer et de voir ce qui se passe. Donc effectivement, il rappelle ces enjeux, mais aussi finalement les enjeux, et c'est là que sa contribution est assez originale, en fait, les enjeux des différents ordres et de la façon dont ils veulent se représenter et forger leur propre pratique communautaire, en fait. Ça, c'est un des aspects qui est assez original dans sa contribution. Et alors, Thomas Baron cite des statues manuscrites du monastère de Saint-Marcel, où il explique que l'émission de la voix doit faire attention à épouser la joie du bonheur de servir un si grand seigneur. Et il cite alors, pour s'y encourager, elles s'imagineront souvent les cantiques des anges dans le ciel se répondant les unes aux autres, les louanges et adorations des perfections divines. Et donc il enlace en quelque sorte les inquiétudes augustiniennes qui consistent à voir dans la mélodie une possible suavité dans laquelle on pourrait peut-être perdre contact avec le divin ou... Alors là aussi, on est dans un paradoxe inhérent en fait à la place de la musique dans l'ordre du savoir et dans justement cette un petit peu comme on a souvent rapproché Wagner dit la musique est une femme, hein, la musique est femme, ce qui est la musique il y a des suspicions énormes, hein, autour du pouvoir de la musique et notamment dans le monde ecclésiastique, hein, mais pas uniquement la musique des femmes. La musique des femmes est sans doute un des... La musique en soi, en fait. Mais aussi éventuellement la musique en soi, la musique profane, la musique lascive, certains types de musique qui peuvent nous faire nous abandonner. Et la musique instrumentale particulièrement ? Oui, ou alors la musique sur des textes, sur certains genres, sur de la musique chromatique. Enfin bon, d'un côté, il y a ça, et puis il y a une autre vision de la musique qui est évidemment celle qui nous élève au ciel. Et donc là, je pense qu'on est complètement dans cette dualité, qui est une dualité qui ne peut pas être résolue, en fait. Hein, c'est juste impossible. Est-ce que la musique est une manière pour nous d'accéder au divin ? Ou au contraire, est-ce qu'elle est un élément charnel qui nous pousse au péché béniel ? Ça, c'est une interrogation qui traverse en fait les siècles, et peut-être même encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Et qui dépasse le contexte ecclésiastique pour le coup, qui se joue très fortement dans le contexte ecclésiastique justement à cette période-là. Et alors qu'on retrouve aussi dans la contribution d'Inga et Groot, qui explique que à l'Olympica, au théâtre de l'Olympica, on a des chanteuses avec un moment dans un contexte de fiction, mais la citation est éminente, où on a un avertissement fait au président de l'Académie. Si les filles chantent comme Orphée, les statues pourraient s'écrouler. Alors je cite, patron, c'est courir un grand danger si l'on chante sous les statues qui se trouvent ici, qu'elles ne nous tombent toutes dessus. Et je vais vous dire pourquoi, si ces filles chantent comme Orphée, elles les feront danser. Oui, c'est assez intéressant ici. En fait, on a peut-être une vision un peu plus binaire des questions de genre aujourd'hui. C'est la fin du 16e, oui. C'est la fin du 16e. Ici, on a une identification de ces deux chanteuses avec la figure orphique, qui est quand même la figure du musicien, du pouvoir du musicien. Donc, en quelque sorte, un Orphée transgenre, quasiment, qui témoigne, en fait, du fait qu'il n'y a pas cette rigidité à laquelle on pourrait s'attendre sur séparation des sphères, etc. Qui est d'ailleurs, pour revenir à la question ecclésiastique, il y a un article intéressant qui n'est pas publié dans cet ouvrage, mais d'Elisabeth Leach, qui explique que, finalement, pour apprendre, pendant la période médiévale, en fait, pour apprendre la soumission... certains moines chantaient des chants féminins parce que ça les faisait se mettre au niveau un niveau de femme qui se lamente, etc. Donc ça apprend à redimensionner son ego. Donc ce différentialisme très strict auquel on voudrait peut-être raccrocher en fait comme une sorte de clé de lecture pour les questions de genre et puis pour l'histoire des femmes, évidemment elle est pas aussi rigide que ça dans les périodes anciennes, même tout le contraire finalement. Thank you. Marc Minkowski à la tête des musiciens du Louvre dans l'ère des furies de l'Orphée Eurydice de Gluck. Catherine Deutsch, on évoque les pratiques musicales féminines, qui est un ouvrage collectif que vous dirigez avec Caroline Giron-Panel aux éditions Symétrie. Et dans votre propre contribution, vous revenez sur différents écrits, alors pour le coup que des écrits d'hommes, dans l'Italie de la première modernité, qui ont en commun de s'exprimer sur ce que les femmes doivent faire ou pas en matière musicale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans une époque assez serrée, qui est la deuxième partie du XVIe siècle, vous relevez des discours qui sont relativement variés. Et vous commencez par exemple par la Donna di Corte de Lodovico Dominici, qui établit le principe de ce qui est vertueux chez l'homme ne l'est pas forcément chez la femme, voire peut devenir vice. Bon, ça, c'est un principe de base. Ça, pour le coup, c'est presque commun à tous. Ouais. En fait, il faut voir qu'il y a des traditions textuelles qui font que certaines réflexions vont devenir des lieux communs finalement, et ça pourrait peut-être faire partie des lieux communs. Un des lieux communs qu'on retrouve dans de nombreux ouvrages, c'est que les vertus féminines sont essentiellement la modestie, la continence, et la continence sexuelle avant tout, la chasteté, que ce sont vraiment les premières vertus qu'il faut enseigner aux femmes, et qu'on perd sa valeur si on perd ces vertus-là. Ce qui est moins le cas quand même chez les hommes. Il y a la question aussi de l'éloquence. Bon, encore que on peut discuter sur ce point, mais qui peut devenir suspecte dans la bouche d'une femme, alors qu'elle est érigée en vertu quand même du côté des hommes. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce corpus auquel je me suis attelée, c'est que ce que j'explique un peu au début de cette contribution, c'est qu'en fait, il n'y a pas véritablement de tradition textuelle au début du XVIIe siècle, au début du XVIe siècle, hein, sur la question des pratiques musicales des femmes, et où les placer dans le champ des vertus et des vices. Et ce qui fait que moi, j'ai senti quand même que les auteurs avaient une certaine liberté, en fait, qui devaient recomposer avec un certain nombre d'éléments, qui sont notamment, est-ce que la musique est vertueuse ou vicieuse en soi, avec les questions des vertus des femmes qui commencent quand même à être assez clairement définies dans un corpus de texte, et où placer la musique là-dedans. Et évidemment, il n'y a pas une réponse unique. Il y a autant de réponses qu'il y a de personnes qui se prononcent sur la question, puisqu'il n'y a pas une essence de la musicalité féminine au XVIe siècle, de même qu'il n'y en a pas une aujourd'hui. Donc finalement, cette variété de points de vue, elle me semble être tout à fait... on pouvait s'y attendre, en fait, en quelque sorte. Même si on avait peut-être trop tendance, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi dans l'introduction, à prendre ces discours normatifs comme des témoins des réalités sociales, en fait, et des pratiques sociales, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc ça peut être troublant, et on peut ne pas savoir quoi faire de ces contradictions, mais ces contradictions, elles sont inhérentes aux questions de genre, finalement. En tout cas, il y a une différenciation pour le coup systématique. Alors, il y a quand même un cas assez amusant qui est Brutto, qui invoque le mythe d'Ulysse, qui donc reprend l'affaire du chant des sirènes et la puissance de la musique à voir notre raison s'égarer, par exemple, et puis le risque de se voir efféminé par la musique. Mais alors, pour le coup, il envisage que ce risque d'effémination est égal pour les hommes que pour les femmes, et donc il a peur de l'effémination des femmes. Absolument. Alors ça, c'est quelque chose qui moi aussi m'a fait passablement réfléchir. Donc Brutto est quand même un individu très strict quand même dans l'éducation des femmes, et puis ce qu'il a à dire est quand même pas absolument sympathique. Mais on est ici, déjà premièrement le fait qu'il n'hésite pas à mobiliser la figure d'Ulysse pour parler des femmes, on est dans cette espèce de quand même de fluidité finalement dont je parlais tout à l'heure. Et puis je pense qu'en fait il faut bien distinguer le terme féminin et le terme efféminé à la Renaissance, et que finalement être efféminé, ça représente tout un tas de comportements qui sont certes liés aux femmes, mais qui s'appliquent tout autant, voire plus, en fait, aux hommes. Hein. Un homme efféminé, ça va être un homme lascif, un homme qui court les tavernes pour aller boire du vin, qui va passer son temps à courir le guidou. Donc une femme efféminée, c'est encore pire, finalement, parce que déjà, elle est par nature... elle est déjà moins solide, plus froide, plus humide que les hommes, et donc un peu plus déliquescente. Donc si en plus on lui rajoute cette dimension-là, là c'est vraiment, ça devient assez problématique. Et puis évidemment, ce qui sous-tend en fait tout ce passage, c'est la question de la continence sexuelle, c'est-à-dire que est-ce que une femme qui naturellement va être plus encline à céder à ses pulsions pourra réussir à se modérer en pratiquant la musique. Et c'est assez amusant d'ailleurs que là, si on a la place, donc elle est dans la situation d'Ulysse, finalement, elle est face aux sirènes, donc on est dans le cas d'un désir lesbien, finalement, mais bon, c'est pas forcément, il n'était peut-être pas allé aussi loin dans son raisonnement. Mais en tout cas, le raisonnement a une certaine postérité, puisque ça, c'est un texte de 1555, et vous relevez dans un texte de presque 30 ans plus récent, de 1584, de Silvio Antoniano, l'idée que les voix et les chants peuvent plus facilement dissoudre en elles, donc les femmes, la vigueur de l'âme. Donc là aussi, un risque de relâchement, d'effémination de l'âme féminine. Absolument, et c'est quelque chose que moi j'ai repéré dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Dans les dernières décennies du XVIe siècle, je n'avais pas repéré avant, mais je ne sais pas, parce qu'évidemment, le corpus que j'étudie, ça n'est qu'un fragment de ce qui a pu être écrit ou pensé. C'est qu'en fait, à cette idée que la musique est femme, que la musique, comme au tout début du passage sur la musique dans le livre du courtisan de Castiglione, il y a une discussion justement où pour lancer la discussion, Castiglione, qui est quand même un grand défenseur de la musique, met dans la bouche d'un personnage que la musique c'est un truc de fille, donc un homme digne de ce nom va pas faire de la musique, etc. En fait, il y a un renversement. Il y a un renversement de cette argumentation, j'ai l'impression, dans les dernières décennies du XVIe siècle, où finalement, comme la musique est un art, est une pratique qui tend à mollifier les âmes et à les rendre efféminées, eh bien, c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est un art profondément viril. C'est-à-dire qu'il faut être viril pour pouvoir résister attaques, oui, d'accord, aux attaques mollifiantes de l'art musical. Et donc, il y a un renversement de discours qui est assez intéressant, finalement, parce que on pourrait imaginer que des auteurs qui veulent viriliser l'art musical n'iraient pas chercher justement cet effet efféminant de la musique, mais il irait plutôt, et on pourrait trouver d'autres choses, hein, la musique comme un art viril, l'art du combat, militaire, etc. Mais en fait, il y a quelques auteurs qui renversent l'équation et qui disent, puisque c'est une musique qui met en péril, en fait, la vigueur de l'âme, eh ben, il faut être un homme d'une grande hauteur, enfin, force virile et morale pour pouvoir résister. Donc c'est un art éminemment viril. et l'idée va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait de dire que c'est pour protéger les femmes qu'on ne va surtout pas laisser la musique se produire dans des contextes mixtes. Par exemple, Antoniano dit « L'honnêteté féminine ne permet pas qu'elles entrent en concert avec les femmes, avec les hommes. » Avec les hommes, oui. Oui, ça, on retrouve ça, c'est Zacconi un peu plus tard. Moi, j'ai analysé ça de différentes manières, en fait. La question de la mixité est une vraie question qui se pose, en fait, je pense, parce que pratiquer la musique, c'est aussi mettre en contact des corps, hein, ça, c'est sûr. Et puis, se mettre dans un certain état. Alors, nous, on peut l'analyser d'une manière ou d'une autre, mais l'idée qu'il y ait une musique humaine, en fait... une espèce d'harmonie humaine qui se crée par la pratique musicale, et puis surtout dans le contexte d'une musique profane qui va parler d'amour, etc. Ça peut être vécu comme quelque chose d'assez indécent, hein, effectivement. Après, moi, je l'ai analysé de façon peut-être différente, en me disant que finalement, il y avait aussi le risque de mettre en... de la compétition, finalement. C'est-à-dire de se mettre... en péril en tant que musicien homme au contact de virtuoses femmes. Hein, Oui, alors ça c'est une idée de Zacconi, c'est-à-dire que c'est l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on expliquait que c'est parce que les hommes sont forts qu'ils peuvent résister à la mollesse, qu'il ne faudrait donc pas y exposer les femmes. À l'inverse, Zacconi, il écrit « Si les femmes portaient l'épée, pauvre l'homme qui aimerait une femme qui a un cœur cruel, car non seulement elle le tourmenterait avec sa beauté, mais avec son épée, elle lui infligerait 1000 blessures à toute heure. » Alors ça, c'est pas un texte, c'est une Villanelle. C'est une Villanelle de la même époque, mais en fait, je trouvais que c'était intéressant de la mettre en regard, parce que finalement, si on donne aux femmes les armes métaphorique ou réel, pour se battre, il y a le risque d'être battu finalement. Hein. Donc là, c'est s'exprimer de façon assez évidente. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, si on laisse les femmes effectivement chanter de concert avec les hommes, eh bien, il faut aussi accepter qu'elles aient un certain niveau. Ça force aussi à prendre en compte l'impensable, en fait. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut avoir des femmes qui sont d'excellentes professionnelles, etc., etc. Moi, c'était ma lecture de Zacconi. On peut la critiquer. C'est que lui, il arrive à un moment où il y a beaucoup de femmes, en fait, qui émergent dans le monde de la musique en Italie. Lui-même avait d'ailleurs enseigné à une femme. Hein, j'ai vu ça dans ses mémoires. Et ça crée un certain trouble. Ça crée un certain trouble parce que il y a sans doute la peur. Enfin, certains musiciens ont peut-être vu ça comme une menace. C'est possible hein, de voir cette focalisation, notamment sur les voix féminines qui deviennent extrêmement populaires dans certaines cours de l'Italie septentrionale. Ça peut être troublant. Ce qui est à son tour rationalisé par Bonzini, qui lui dit la voix de la femme est généralement beaucoup plus douce que la voix de l'homme, et donc en déduit qu'elle est même plus musicale ou plus prompte. Alors comme je disais tout à l'heure, le discours sur l'égalité est très rare en fait à cette c'est époque. Ça. Donc soit on passe. Et puis il faut pas oublier que bon, peut-être pas dans le cas de Zacconi, qui je pense écrit de façon un petit peu plus intuitive que quelqu'un comme Bonzini, ou qui se situe dans une tradition humaniste. Où il repêche beaucoup d'arguments, d'autres textes, etc. Donc lui, est-ce que c'est ce qu'il pense, lui, fondamentalement ? Je ne saurais pas dire, mais ça fait partie de son projet, on va dire, d'ouvrage ici, de défendre les femmes. Il le fait avec tous les arguments possibles. Et donc, effectivement, il ne peut pas parler d'égalité, donc il parle de supériorité, de supériorité des femmes. Et ce que je trouvais intéressant, si je ne me trompe pas dans ce passage, c'est que... Il ne situe pas en fait la supériorité vocale féminine comme quelque chose de l'inné, de l'ordre de l'inné, mais plutôt comme quelque chose qui peut s'acquérir. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les femmes sont plus belles, parce qu'il y a toute une ligne de discours en fait héritée d'une tradition néo-platonicienne qui voit en la femme l'incarnation de la beauté. Et cette beauté, elle peut se décliner de différentes manières, de façon visuelle, mais la voix aussi entre en jeu. Donc on a une espèce de figure immanente, comme ça, de beauté, et la voix participe de cette beauté. Là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de plus subtil, où finalement l'auteur admet qu'il y a un art, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage, dans la vocalité féminine, et que les hommes pourraient apprendre. C'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est qu'on est plus complètement dans le domaine de l'essentialisme pur et dur, là. Et puis aussi, la question de la concurrence sociale qui va se poser petit à petit. On va faire un petit bond chronologique en matière de référence musicale en écoutant la 7e sonate d'Hélène de Montgeroux, et on y revient dans un instant avec vous, Catherine Deutsch. Thank you. En tout cas, il y a bien les enjeux de l'ambivalence, de la professionnalisation dont Hélène de Mongeau pourrait être un exemple dans Pratique musicale féminine. L'ouvrage, il y a un article de Estelle Freyermuth qui insiste sur l'idée. Alors, son article porte sur le conservatoire de Strasbourg, mais elle explique qu'au XIXe siècle, une femme qui professionnalise dans la musique choque doublement ses contemporains. D'une part, elle travaille, ce qui suffisait déjà à éveiller les soupçons. D'autre part, elle travaille dans une sphère d'activité presque exclusivement régie par les hommes. Et c'est pour ça que on va lui donner un destin professionnel un peu au rabais en général. Oui, même si en fait, on a eu tendance, peut-être en se focalisant, en croyant un peu sur parole les discours normatifs, à imaginer qu'il n'y avait pas de, notamment d'instrumentistes professionnels durant le XVIIIe siècle. Et en fait, on se rend compte de plus en plus qu'il y en a eu. Des cornettistes, des flûtistes qui faisaient le tour de l'Europe. Alors évidemment, c'était des figures un peu exceptionnelles. Dans le cas de qui est décrit par Estelle, effectivement, elle analyse en fait les changements institutionnels comme ce qui a permis aussi aux femmes de sortir de ce confinement, hein, aux sphères domestiques, elle analyse comme une certaine médiocrité, en fait, puisqu'on attend des femmes qu'elles ne dépassent pas un certain niveau. Mais moi, je pense que c'est sans doute vrai à Strasbourg. L'institutionnalisation en fait des formations est à la fois une chance et en même temps quelque chose qui entrave un peu des parcours exceptionnels en fait, qui étaient peut-être plus faciles avant la Révolution finalement et avant la création du conservatoire, puisque l'apprentissage se faisait de façon un peu plus informelle. Hein. Et du coup, certes, il y avait les mêmes normes sociales un petit peu oppressantes pour les femmes, mais en même temps, la possibilité de les enfreindre, de les craquer, de faire autre chose, et à la limite de passer à travers, hors institution, était aussi une possibilité, finalement. Et du coup, l'institutionnalisation, elle a un double effet. Elle a un effet d'exclusion et d'inclusion à la fois. C'est-à-dire qu'il faut encore faut-il que les femmes soient admises dans ces classes. Et ça prend du temps pour certaines disciplines. Quand on pense que les classes, par exemple, de cuivre au Conservatoire de Paris, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas eu de femmes, mais c'est qu'il y en a très très peu. Et même aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas, en fait. Donc, c'est pas formellement écrit. Mais l'institutionnalisation n'est pas toujours garante d'égalité, en fait. Sauf s'il y a vraiment des politiques publiques qui le proclament haut et fort. Mais c'est pas... Alors que... Cela dit, le maintien dans la sphère domestique garantit rien du tout. Non. Puisque vous avez une citation dans votre corpus donc de italien de la fin du XVIe siècle, de Guazzo, qui écrit dans la Civil Conversation « Je ne parle même pas de celles, donc des femmes musiciennes, qui sont éduquées dans leur chambre à lire, chanter, faire des sonnets et ne veulent jamais aller à la cuisine. Je laisserai leur pauvre mari en rendre compte ce dont, pour avoir une femme si savante, la maison va en ruine et bien souvent l'honneur. » Bah ça, c'est aussi un des arguments... qui va à l'encontre des pratiques musicales des femmes, c'est-à-dire que bah, ça nuit à l'équilibre social, puisque les femmes... Zakon, il dit un petit peu les mêmes choses, hein, en des termes moins précis, finalement, que laisser les femmes s'adonner à des activités comme la poésie ou la musique, c'est la ruine du foyer, finalement. Elles vont plus avoir le temps de s'occuper des enfants... Bon, ça, c'est un grand classique. Et c'est aussi un grand classique qui vaut jusqu'au 19e mais, avec les mais femmes. Mais en même temps, l'espace domestique, c'est jamais homogène, hein, nos constats, mais en même temps, l'espace domestique est celui qui permet la transmission, parfois, et parfois la professionnalisation, finalement. C'est le cas de la fille de Hannibal et Guasco. Dans le cadre de l'espace domestique, il l'a dotée en fait des talents musicaux. Il s'est rendu compte qu'elle était très douée. Et du coup, à l'intérieur de cela, il n'y a pas d'interdiction. Personne ne va vous empêcher vous, en tant que père, d'éduquer votre fille, il réussit à en faire une musicienne accomplie. C'est le cas, par exemple, des familles de musiciens. Et d'ailleurs, dans l'article de Inga Groth, on a ces exemples-là avec les Pellizzali. En fait, au sein d'un clan, il y a de la place pour des exceptions, en fait, et des exceptions féminines. Francesca Caccini pourrait être un autre exemple, hein, puisqu'elle naît dans une famille de musiciens. Il y a son père, Giulio Caccini. Évidemment, il y a une transmission qui se fait de l'ordre de familial, en fait, et qui permet de faire une carrière, pour elle, en tout cas, par la suite. Donc, l'espace domestique peut être sans doute le plus souvent un espace contraignant et un espace peu émancipateur, mais parfois... Parfois, ça n'est pas le cas. Quand ce n'est pas le couple qui est un espace de rivalité, puisqu'on va revenir donc sur ces trois femmes dont il est très peu question pour le coup dans l'ouvrage, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Alma Mahler. Voici un extrait du concerto pour piano de Clara Schumann. Autour de l'ouvrage Pratique musicale féminine, édité par Symétrie, Catherine Deutsch est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Diane Ambach dans le concerto pour piano de Clara Schumann. Catherine Dunch, on évoque votre ouvrage Pratique musicale féminine, ouvrage collectif que vous avez dirigé avec Caroline Giron-Panel, où il est question d'élargir le regard sur l'histoire de la musique, d'abord par les femmes, mais aussi justement par les femmes peut-être les plus anonymes, ou en tout cas de sortir du jeu des femmes célèbres de la musique. Et en ouvrant aussi l'horizon documentaire pour rentrer dans la question, je pense par exemple à l'article de Martine Sonnet sur l'éducation féminine. Elle a dépouillé l'acquisition des instruments par les femmes au XVIIIe siècle. Oui, elle s'intéresse à des sources auxquelles on ne penserait pas nécessairement, notamment des annuaires aussi. Ce n'est pas forcément la première chose à laquelle on vient à l'esprit, ouais, quand on écrit l'histoire de la musique. En fait, mes remarques sont largement inspirées par les travaux d'historiennes des femmes comme Françoise Thébault ou Michel Perrault. C'est-à-dire que Michel Perrault, dans son ouvrage « Les femmes ou les silences de l'histoire », avait déjà mentionné que quand on voulait écrire l'histoire des femmes, on était obligé de changer un petit peu de paradigme. Et de façon de faire l'histoire. Et de façon de faire l'histoire, pour plusieurs raisons. Là, j'ai envie de mentionner deux points, c'est-à-dire que, d'une part, si on veut comprendre, si on cherche la femme, comme on dit, désespérément ou sans trêve, on a moins de figures qui vont émerger avec des sources classiques. Comme pour l'histoire de la musique, ce serait les partitions, par exemple. Au XVIe siècle, on n'en a quasiment pas. Hein. Donc, on est obligé de tourner le regard. On est obligé de faire preuve de créativité. On est obligé comme en fait, tout, ça n'est pas uniquement propre à la micro-histoire. Hein. C'est à l'histoire de la musique. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un cadre plus large, en fait, auquel, sans doute, l'histoire des femmes a largement contribué, d'aller voir derrière les grandes figures, et du coup de faire preuve justement de créativité lorsqu'il s'agit de trouver de nouvelles sources. Ça peut être les archives judiciaires, ça peut être l'iconographie, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être tout un tas de choses. Et puis concernant l'histoire de la musique... Je pense qu'il y avait il y a la volonté aussi de croiser plus que de proposer un modèle qui se voudrait concurrentiel, une approche un petit peu canonique du répertoire, c'est-à-dire de faire rentrer les femmes dans le canon. On peut critiquer cette approche, hein, qui serait pas assez radicale finalement, de changer le canon et de faire un peu de place aux femmes à l'intérieur du canon musical. On peut critiquer cette approche. En même temps, moi, je trouve qu'elle a ses vertus, puisque je crois en l'exemple. Je crois dans le fait que c'est difficile. Enfin, disons qu'une manière de toucher les amateurs de musique, c'est aussi qu'ils s'approprient un peu de musique composée par les femmes et qu'il y ait une petite phrase de musique qu'ils aient en tête quand ils prennent leur douche le matin, et que peut-être cette phrase, elle puisse avoir été composée par Elisabeth Jacquet de la Guerre, et du coup tout un horizon s'ouvre de façon affective finalement, je dirais. Mais on peut aussi donc critiquer, comme je disais, cette approche, puisque finalement elle nous enferme dans quelque chose de limité, nécessairement limité, puisque le canon c'est nécessairement fini. Hein, c'est... Oui, parce que sortir de l'histoire des grands hommes doit aussi sortir de l'histoire des grandes femmes. Voilà, hein, c'est donc ça. Moi je pense qu'il n'est pas nécessaire de trancher, en fait, peut-être que j'ai une approche un peu trop œcuménique, mais en tout cas, dans cet ouvrage-là, on a tranché assez clairement, avec un index, si on le feuillette, il n'y a pas grand monde qu'on connaît dedans. Effectivement, y a, à part peut-être 3-4 noms, il n'y a pas énormément de... Il y a Madame de Plante. Souvent, on ne connaît pas les prénoms des femmes dont on parle, donc il a fallu prendre des décisions. Est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas? Bien sûr, on les met. Hein, Mademoiselle, il y a beaucoup de mademoiselles. Mademoiselle Léret, oui. Voilà. Mademoiselle Girardin. Donc, constituait un niveau... Pourquoi avoir fait d'ailleurs un index des personnes, si c'est pour qu'il y ait autant d'anonymes? Enfin, pas d'anonymes, puisqu'ils sont nommés, mais... Parce que c'est un outil de recherche, en fait, l'index. Et parce que c'est en croisant des micro-données que finalement on réussit à écrire une micro-histoire. Alors on a même des petites annonces dans l'article de Matine Sonnet, comme par exemple une citoyenne artiste de 30 ans, d'un physique agréable, grande musicienne, pinçant de la harpe, chantant bien avec goût, joignant à ses talents une éducation soignée, se trouve forcée par une suite de circonstances malheureuses de recourir aux moyens douloureux d'offrir ses talents aux personnes qui voudraient en tirer parti pour leurs enfants. Bah, je pense que là, on se situe à cette période charnière, en fait, de la période post-révolutionnaire, si je ne me trompe pas. C'est une note du 15 janvier 1800. Bah, voilà. Finalement, où c'est un petit peu comme avec Hélène de Mongeau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, de normes sociales qui se croisent, et normes de genre, et il y a les normes de classe aussi. C'est difficile de penser, en fait, finalement, les unes sans les autres, avec cette idée de... Donc, d'une part, si on est une femme, d'absence de bienséance dans le fait d'aller travailler à l'extérieur, mais aussi si on est d'origine aristocratique, je ne sais pas exactement d'où venait cette femme, ou si on vient d'une bonne maison, finalement d'une déchéance sociale à l'idée d'aller travailler. Et c'est ce qui a d'ailleurs entravé sans doute beaucoup la mémoire d'Hélène de Mongeau. Cette double contrainte. Elle ne voulait pas s'exposer en tant qu'aristocrate à quelque chose de trop besogneux et trop lié, finalement, à un statut de musicien de métier, de musicienne de métier. Et en même temps, il y avait la question d'être femme qui a sans doute joué beaucoup dans sa postérité, ça c'est sûr. Mais ça, c'est une remarque pour le coup que fait Essel Freyermuth, c'est-à-dire qu'en passant du 18 au 19e siècle, la musique devient un art peut-être moins aristocratique et plus bourgeois, et en fait, il se féminise en même temps qu'il s'embourgeoise, mais c'est-à-dire qu'il se désaristocratise surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'il se féminise parce qu'il sort de l'aristocratie et que les bourgeois aiment ce qu'ils appellent alors un art d'agrément, qui est la musique. Oui, l'idée d'un art d'agrément est, comment dire, repensée sans doute par la bourgeoisie au début du 19e siècle, même si finalement c'est juste juste remétabolisé, je dirais, puisque c'est quand même quelque chose, on peut tirer des fils de cette idée. De musique comme art d'agrément pour les jeunes femmes, bien en amont, en fait. Avec peut-être, si on en croit en tout cas les hypothèses d'Estelle Freyermuth, l'idée de confiner, comme on disait tout à l'heure, dans l'espace domestique bourgeois, à quelque chose qui serait de la pure... représentation d'un statut social, finalement, sans nécessairement avoir de grandes ambitions artistiques derrière. Ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas, en fait. En tout cas, pour les périodes antérieures, l'idée d'une excellence musicale, dans un certain contexte, encore une fois, peut être vue comme un ornement qui va pouvoir avoir une valeur en termes symboliques, même peut-être d'ailleurs en termes économiques, dans certains contextes. Bon là, je pense sans doute un petit peu trop en 16e, mais ou en 17e, mais le fait d'avoir une excellente musicienne, qu'elle soit d'origine aristocratique ou non, à la cour, ça rehausse la valeur de la cour elle-même. C'est un ornement vertueux par un membre de cette communauté, finalement, qui permet au prince de rayonner encore davantage. En tout cas, c'est de cette manière que ça a pu être vécu dans certains endroits. Je pense évidemment à Ferrare, à Mantoue, à Florence. Et du coup, là, ça assume une dimension beaucoup plus positive. Thank you. Le premier mouvement de la 5e symphonie de Ludwig von Beethoven, dirigé par Arturo Toscanini avec le NBC Symphony Orchestra. C'est une version que vous avez choisie, Catherine Deutsch, puisque pour terminer cette émission, je voudrais qu'on évoque le travail de Suzanne McClary, que vous avez traduit pour les éditions de la Philharmonie de Paris. Et une libre traduction, vous dites, par le titre Ouverture féministe, et qui a des pages sur cette 5e symphonie pour nous expliquer à quel point c'est une écriture très masculine. Oui, masculine ou machiste, même si ces mots sont encore plus durs pour la 9e symphonie. donc Toscanini, pourquoi ? Bon, c'est un petit clin d'œil, hein, c'est parce qu'il est vraiment, c'est un peu la figure du chef autoritaire. Autoritaire donc machiste, c'est ça ? Bah, dans ce cas-là, je pense qu'on peut, oui, le dire, parce que c'est quand même une époque de Toscanini. En tout cas, la figure du père qui de l'autorité paternelle, peut-être, mais là, il faudra se référer aux travaux d'Esteban Bourg, qui a mieux étudié la question que moi. Oui, donc, on a traduit cet ouvrage avec... j'ai pas traduit seul, il y avait... avec Stéphane Roth. Et effectivement... McClary fait un travail très intéressant dans cet ouvrage qu'on a traduit par Ouverture féministe, parce qu'elle essaye de faire une analyse, enfin d'utiliser les genres en fait, pour analyser les processus formels hein, dans la musique et notamment la forme sonate. Donc pour elle, finalement, l'une des clés du succès de Beethoven, hein, c'était précisément qu'il a su mettre en son des structures narratives à travers la forme sonate, qui exprimait, selon elle, en fait, selon McClary, la résolution d'une altérité, et d'une altérité qui va quand même prendre, selon les codes musicaux du 19e, la forme d'une féminité musicale. Finalement, c'est pas qu'en soi certains thèmes soient féminins ou masculins, mais c'est qu'on leur attribue cette qualité. Et du coup, chez Beethoven, pour elle, eh bien, on a une résolution de l'altérité féminine à travers le deuxième thème, qui se fait de façon particulièrement violente et autoritaire, justement, ce qu'elle essaie de démontrer dans son ouvrage, est-ce qu'elle a été perçue de façon très problématique par un certain nombre de musicologues, disons, d'une tendance plus traditionnelle. Et donc c'est bien à travers l'analyse de la forme, en fait, qu'elle fait ça. C'est-à-dire que une manière, peut-être que McClary a parfois été mal interprétée, à mon avis, dans le sens où McClary était tout à fait consciente du fait que Beethoven pouvait écrire des pages d'une grande sensibilité, puisqu'on parlait de sensibilité tout à l'heure, la question n'est pas là, finalement. C'est pas que Beethoven écrit de façon martiale ou de façon masculine, c'est simplement qu'il met en œuvre des processus formels qui jouent sur la différenciation entre masculin et féminin et la domestication d'une altérité féminine à travers la forme sonate, de façon particulièrement énergique, voire violente, et elle va jusqu'à voir un viol. Bon, ça, c'est sans doute... c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour un certain nombre de musicologues, mais en fait, je pense qu'il faut la suivre sur l'intégralité de son raisonnement pour comprendre, en fait, ce qui est en jeu là-dedans. Mais on a l'impression qu'on parle toujours de ce raisonnement tenu par McClary du point de vue de son excès, ce qui laisserait entendre qu'il y aurait une vengeance féministe à l'égard de toutes ces pages où on a pu dire que les musiques de gens comme Cécile Cheminade, comme Germaine Taillefer ou Ethel Smith étaient des écritures féminines. Bah, alors c'est pour ça qu'on n'a pas traduit le titre de l'ouvrage par ouverture féminine, ou en fait il aurait fallu ouverture féministe. Ouverture féministe. C'est ce que j'essaye de défendre dans l'avant-propos, c'est-à-dire que pour moi le propos de McClary, c'est ça n'est pas, même si on peut lire ça chez elle, c'est vrai, de défendre une écriture féminine, un peu à la Irigaray, c'est de traquer les processus machistes, sexistes dans les procédés d'écriture. Dans le langage. Dans le langage de la musique classique occidentale, et essayer de les déjouer. C'est en cela que je trouve que sa démarche est beaucoup plus féministe que féminine. Après, les deux mots, parfois, peuvent un petit peu cohabiter, c'est-à-dire qu'effectivement, on a statistiquement plus de chances d'être féministe quand on est une femme. Mais McLaren dit elle-même, finalement, qu'il y a des hommes qui sont passés complètement à travers ou qui ont tenté de passer à travers ces structures. Et Schubert, Tchaïkovski, même Mozart, hein, et Steve Reich, enfin bon, il y a tout un tas de grands compositeurs connus qui échappent à ces foudres. Donc à mon avis, la question est moins pour elle de promouvoir une écriture féminine qui mettrait en fait en avant une essence féminine de compositrice. Et à juste titre, elle essaye de prendre quand même des précautions ératoires pour dire que ça n'existe pas, hein, mais de déjouer ces procédés qui peuvent être en fait tout à fait partagés par les hommes et par les femmes, finalement. Même si, quand même, elle voit qu'il y a statistiquement plus de chances qu'une femme compositrice n'ait pas envie d'appliquer avec autant de... comment dire, méticulosité ou autant de ferveur la forme sonate classique, parce que c'est au détriment de l'élément féminin. Et donc, de façon consciente ou inconsciente, on peut comprendre que Cécile Chaminade n'avait pas de ton. Elle en parle moins, en fait. C'est plutôt Marcia Citron qui en parle dans son ouvrage Gender and the Musical Canon. Mais on peut comprendre qu'une compositrice n'ait pas envie d'appliquer à la lettre, en fait, ce schéma qui dit que le thème féminin doit être ramené à la tonique, degré haut de force, à la fin de la sonate. C'est-à-dire de faire de la sonate une espèce d'étendard féministe parce qu'elle est femme, c'est ça? Ou que... Bah, je pense pas, en fait, simplement de se réapproprier une forme qui, si on suit McLary, est structurellement machiste, en fait, et d'en faire quelque chose de moins violent. Ce qui n'empêche que... qu'on peut avoir énormément de plaisir à écouter une sonate de Beethoven, hein. c'est pas le problème. Ça n'empêche pas. Pour terminer, on va écouter une sérénade en ré de Ethel Smith. Vous avez un commentaire, non ? Sur cette compositrice, bah elle est intéressante justement parce que on peut pas lui dénier son engagement féministe pour le coup. Donc faut-il voir dans sa musique comme certaines ont pu le faire. Par exemple, en parlant de fugue lesbienne chez Ethel Smith, est-ce qu'il faut voir dans les procédés musicaux des traces de son engagement féministe? Mais en tout cas, elle était sur le terrain, ça on peut pas le nier, on a des archives qui nous le disent. Merci, Catherine Deutsch. Thank you. Thank you.